Bonne journée, chers amis. Nous avons de la chance d'avoir un temps magnifique. La nature est dans toute sa splendeur du printemps. Pierre, j'ai partagé avec vous le lien avec la terre-mère et ce que ça m'évoquait. Ce matin, Pépino nous salue. Hein. Le début du texte de taille, conversation intime avec la terre-mère. C'est un peu le thème du week-end. Et aujourd'hui, je voudrais peut-être partager avec vous ce qui appartient à la terre-mère. Ce qui naît, ce qui se développe et ce qui disparaît. Tout ce qui est apparu va disparaître. Donc tout le problème de la question de la naissance et de la mort. C'est un vaste problème, une vaste question. C'est pas évident de la partager avec vous en une heure. Enfin, je vais essayer de vous partager quelques pistes qui me touchent. Alors nous savons tous, parce que nous l'avons lu ou entendu, qu'il n'y a ni naissance ni mort, que naissance et mort, la vie, naissance et mort sont inclus dans la vie, et qu'il n'y a pas de vie sans mort et sans renaissance. Bon. Alors, tout ça, ce sont des concepts, bien sûr. N'empêche que, au niveau concret, nous sommes confrontés en permanence à ce problème. Nous sommes peut-être les seules espèces du règne des mammifères qui ont conscience de leur mort. Et c'est drôle parce que nous le savons tous, mais la plupart d'entre nous vivons comme si ce n'était pas vrai, comme si c'était pour dans très très loin. Un peu comme à l'image de ce que nous vivons actuellement dans la crise de société, crise écologique, crise des valeurs, crise financière, etc., crise de civilisation. Nous savons que si nous continuons à vivre sur le même rythme que précédemment, la planète va s'épuiser, la pollution va augmenter et l'espèce humaine peut disparaître. Nous le savons, tout le monde le sait maintenant, mais nous n'y croyons pas. C'est toute la différence entre le savoir intellectuellement, mais faire comme s'il y avait le temps. Alors c'est vrai que quelque part, la planète a le temps, voilà. Comme on le disait ce matin, elle a mis des millions et des millions, des milliards d'années pour que la vie émerge. Et à l'échelle d'une journée, nous savons que la vie a émergé à minuit moins quart, pratiquement un quart d'heure avant la fin de la journée. Donc à l'échelle de l'histoire du monde, du Big Bang, c'est trois fois rien. Nous savons aussi que tout est déjà là et qu'il n'y a rien à chercher. Ça, c'est le niveau ultime. Alors, c'est important pour bien savoir de quoi on parle, de bien différencier les deux niveaux d'expérience. Et Thich Nhat Hanh insiste beaucoup là-dessus, ce qu'il appelle le niveau historique ou conventionnel et le niveau ou relatif, notre niveau historique. Et puis, le niveau ultime, le niveau de l'absolu. Et on parle toujours dans le bouddhisme des vérités relatives et des vérités ultimes. Et parfois, on peut avoir l'impression, en écoutant des enseignements ou en lisant des textes, qu'on entend une fois une chose et une autre fois son contraire. Et c'est important de bien faire la distinction que ce qui est vérité relative peut être vrai. Par exemple, L'enfant est différent de son père et de sa mère. Et pour se construire, il doit assumer cette différence, nous sommes séparés. Et c'est sur la base de cette séparation, d'ailleurs, que va naître la souffrance, et que la personne va se mettre en route pour soulager sa souffrance, pour découvrir au bout du chemin qu'en fait, il n'y avait pas de séparation, que de tout temps, nous étions dans l'interdépendance, que le Père est dans le Fils est dans le Père. Mais ça, c'est le niveau ultime. Donc, rappelons-nous de quoi nous parlons. Notre peur de la mort fait que notre civilisation met un tabou sur la mort et fait comme si elle n'existait pas ou la repousse le plus loin possible. Et tout ce qui peut approcher la vieillesse et la mort dans notre société, c'est mis à l'index. Hein. Notre société ne parle que de performance, de la beauté du corps, de la jeunesse permanente, de la réussite. Mais tout ce qui est tout ce qui concerne des vulnérabilités, les fragilités, le vieillissement, l'humilité, la maladie et la mort, c'est vraiment tout est fait pour le nier. Et il ne faut pas s'étonner que nous vivons dans une société où l'angoisse est de plus en plus grande parce que l'impermanence fait que le vieillir fait partie de notre nature humaine et on fait tout ce qu'on peut pour ne pas vieillir, pour ne pas être malade. Alors on fait tout ce qu'on peut pour ne pas mourir, on essaye au moins de repousser le plus possible. Et le bonheur suprême pour beaucoup, ça serait que les progrès de la génétique nous permettent de vivre jusqu'à 120 ans, 150 ans, mais après. Et même si on vivait 150 ans, et après. Le rêve de la vie éternelle, le mythe de Faust, de la fontaine de jouvence, etc. Et le Bouddha, plusieurs enseignements ont parlé de ce sujet-là, et un des points importants que les moines et les laïcs sont appelés à méditer chaque jour, c'est l'enseignement sur les cinq remémorations. Alors, je vous les rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas ou qui les ont oubliés. Il est dans ma nature de vieillir. Et je ne peux échapper à la mort. Il est dans ma nature d'être malade, et je sais que je ne peux pas échapper à la maladie. Il est dans ma nature de mourir, et je sais que je ne pourrai pas échapper à la mort. Tous ceux qui me sont chers, tous ceux que j'aime, je sais qu'un jour j'en serai séparé. Et le dernier, lorsque je vais mourir, la seule chose que je vais emporter avec moi, ma véritable fondation, c'est le résultat de mes actions, de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Mon seul héritage, c'est cette énergie que j'aurai laissée pendant mon passage dans le monde, cette énergie de vie qui sera teintée de souffrance ou de bonheur, de haine ou d'amour. Et donc, ces cinq points, le Bouddha nous invite à les méditer pour apprivoiser notre vieillesse, apprivoiser notre maladie, apprivoiser notre mort, apprivoiser la mort de nos proches, et nous sommes invités à générer le plus possible des pensées, des paroles et des actions d'amour, puisque c'est ceci qui nous suivra dans les nouvelles manifestations. Et c'est ceci qui va laisser des traces autour de nous dans les êtres que nous avons rencontrés et qui fait que le monde, après mon passage, sera différent de ce qu'il était. C'est nous rappeler à la fois la préciosité de la vie et l'unicité de chacun, même si ça me fait penser à cette phrase de Mère Teresa qui disait « Notre vie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité, mais si elle n'existait pas, elle manquerait à l'humanité. » Chaque vague est à la fois unique et interdépendante des autres vagues. Chaque vague ne peut exister que par les autres vagues. Elle influence les autres vagues, elle est influencée par elles. Mais toutes les vagues, dans leur unicité, font partie du même océan. Et son frère et sœur du même océan, de la même eau. C'est important. À la fois, le même est différent. Thay insiste beaucoup là-dessus dans les enseignements. Quelle est la différence entre moi à 5 ans et moi maintenant, à bientôt 70 ans? Quelle est la différence entre ma fille et moi, entre ces deux personnes? Vous êtes à la fois de même essence, vous êtes à la fois le même, non séparé, non duel, et en même temps vous êtes différent. C'est tout le paradoxe de l'enseignement du Bouddha ou de la non-dualité. Non-être, ni être, ni non-être. Au début, c'est des concepts, mais c'est la pratique qui va nous aider à comprendre avec le regard profond ces notions de non-dualité, ces notions d'impermanence, de non-soi, d'interdépendance. Alors cette peur dont je parlais, qui fait que notre société repousse le plus loin possible tout ce qui peut lui rappeler l'impermanence, elle vient d'où? Et là, le Bouddha est très clair, hein, et Thay insiste beaucoup là-dessus, en parlant de la peur originelle et du désir originel. Certains d'entre vous connaissent cet enseignement, je vais le rappeler brièvement. Hier, j'en ai parlé un peu. Au départ, il y a l'unité. L'enfant dans le sein de la mère est un. Tous ses besoins sont satisfaits. Il est dans la fusion totale avec la mère. Aucun désir, aucune peur, ni avidité, ni aversion. Tout est là. La nourriture vient quand il y en a besoin. La chaleur est là en permanence, la quiétude, le silence, même s'il y a des bruits extérieurs, le bruit du cœur, mais disons que ce sont des bruits qui bercent. Il y a une forme de quiétude qui est une forme de sérénité, très certainement, et qui a imprégné chacune de nos cellules. Les premières connexions neuroniques, disent les neurobiologistes bouddhistes, se sont faites à cette époque-là, et nous allons garder toute notre vie le souvenir de cette harmonie, de cette sérénité. Et puis, il y a la naissance. La naissance, c'est non seulement la séparation, bien sûr, l'entrée dans la dualité, l'expulsion dans le monde du bruit, du froid, de la dépendance. Et là, l'enfant va connaître la peur terrible du manque, mais non seulement la peur du manque et de la séparation, mais la peur de la mort. On sait maintenant, on a de plus en plus de témoignages qui nous expliquent que la naissance, pour la plupart d'entre nous, est un véritable traumatisme. Cette expulsion de l'utérus, ce passage dans le vagin, les contractions qui fait que l'enfant, ceux qui se souviennent, qui ont fait des rebirthings, peuvent souvent témoigner que c'est comme si on était broyé, c'est comme si on était étouffé. Et il y a une peur terrible dont nous n'avons pas conscience, la plupart d'entre nous, mais qui a imprégné chacune de nos cellules, cette peur de mourir. Peur de mourir et souffrance de la séparation. C'est souffrance du manque. Et ça, nous allons le traîner toute notre vie. Et en compensation de cette peur originelle, va naître le désir originel. Désir de retrouver l'unité perdue, la complétude, le manque à être, et désir de sécurité pour éviter la mort. Et dans la dualité, la naissance entraîne, bien sûr, la naissance de l'ego. L'ego, c'est jamais que cette partie de nous qui a peur, qui se souvient qu'il est mortel, qui se souvient qu'il risque de mourir, qui se souvient qu'il a été séparé et qui a terriblement peur de cette mort et qui va tout faire, tout mettre en œuvre pour bâtir une forteresse de sécurité, une forteresse de stabilité, qui va tout faire pour combler ses manques, comme je partageais hier, combler ses manques à travers différentes manières, que ce soit l'argent, les biens matériels, la demande d'amour, le pouvoir, les besoins sexuels, etc. C'est les trois poisons dont parle le Bouddha. L'avidité. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Je veux, je veux, je veux. Toujours plus. Et puis, il y a la résistance et le combat contre tout ce qui va m'empêcher de combler mes manques. La résistance, c'est l'aversion, la deuxième poison. L'aversion, c'est le refus de ce qui me contrarie, c'est la jalousie, c'est le ressentiment, la colère, la haine, l'envie, etc. Et comme je le partageais hier, il y a toute notre vision du monde va se faire sur cette notion de la dualité, la croyance que je suis un moi séparé, mais aussi sur des perceptions erronées, des fausses croyances nées des premières expériences vécues sur le mode du c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon, c'est agréable, c'est désagréable, c'est juste, c'est faux. Et c'est intéressant de voir que la plupart du temps, maintenant, quand vous prenez conscience de la manière, quand nous prenons conscience de la manière dont notre mental fonctionne en pilotage automatique, en permanence, c'est sur le mode du « j'aime » ou « j'aime pas ». Et je me promenais ce matin et j'ai vu que je réagissais comme ça, mon mental réagit comme ça. À partir de ce que je bois, c'est bon, c'est pas bon. À partir de telle personne que je vois, ben, j'ai un bon feeling ou j'ai pas un bon feeling. C'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un de pas intéressant. On est sans arrêt, je suis sans arrêt dans le jugement, dans l'estimation, dans la discrimination, dans la dualité. Et de là va naître des certitudes et des fausses croyances qui font que je vais engendrer en permanence de la souffrance, puisque mon ego souhaite avoir un monde à sa façon. Et vous savez très bien qu'il y a toujours distorsion entre le monde et mon monde tel qu'il est et le monde extérieur tel qu'il est. Et en permanence, nous voudrions que les autres, les situations et le monde soient en concordance avec nos désirs. Or, ça n'existe pas. C'est jamais comme ça que ça se passe. Nous souhaiterions que les choses restent en l'état. Or, l'impermanence nous conduit toujours au changement. Alors, à partir de ça, que faire? Et c'est là que l'enseignement du Bouddha est extraordinaire dans les quatre nobles vérités, la prise de conscience que la souffrance est là, qu'elle est inhérente à la nature humaine, mais que la pratique veut me permettre de développer la vision profonde pour comprendre les causes de la souffrance, les origines, les racines de la souffrance, comprendre ce qui a nourri la souffrance tout au long de ma vie, quelles situations, quelles personnes, qu'est-ce que j'ai vécu ou rencontré qui ont maintenu et entretenu cette souffrance, Et à partir du moment où je peux comprendre les causes, l'origine et ce qui a nourri ma souffrance, eh bien, je vois le chemin qui permet d'en sortir et je peux goûter la cessation de la souffrance. Et le Bouddha donc a expérimenté cette cessation de la souffrance et est venu nous témoigner que c'est possible. Et la première chose qu'il nous a dit en sortant de l'éveil, dans son premier enseignement, comme c'est extraordinaire, nous possédons tous cette nature d'éveil. Tout le monde l'a. Tout le monde a ce potentiel en lui-même d'être pleinement réunifié, pleinement en harmonie, dans la paix, la joie, la solidité, l'amour, la compassion, la liberté. Tout le monde a ça. Mais nous l'ignorons, nous l'avons oublié. Et parce qu'un voile de fausses croyances et de perceptions erronées recouvre notre mental et nous font voir les choses d'une manière erronée et non pas telles qu'elles sont. Et là, il nous offre l'enseignement du sentier octuple, c'est-à-dire comment développer la vision profonde afin de nous ouvrir à un nouveau regard. Ce regard qui voit les choses non pas telles que je les pense, mais telles qu'elles sont dans leur essence. Et ce regard, c'est le regard en fait c'est le regard de la Pentecôte, j'y pensais ce matin. Pour ceux qui sont de tradition chrétienne, hein, j'en ai fait référence hier. L'esprit est toujours présent en nous. Mais nous vivons partagé, coupé dans le temps et dans l'espace, le mental et le corps séparés, perdus entre le futur et le passé, nous ne vivons jamais au présent, ou très rarement au présent. Et donc, nous n'avons pas conscience de ce regard vaste qui est en nous, de l'esprit qui est constamment à l'œuvre, et nous maintenons ce voile de la séparation. Et la Pentecôte, c'est justement ce moment où, après la résurrection du Christ, les apôtres et ses disciples qui ont suivi Jésus, ils ont entendu son enseignement, mais très peu l'ont compris. Comme très peu de disciples du Bouddha avaient compris véritablement l'enseignement du Bouddha. Et il a fallu la mort du Bouddha pour que de nombreux disciples découvrent la véritable nature, le Bouddha vivant. Alors que du temps du Bouddha, très peu avaient perçu cette dimension cosmique, cette dimension vaste du Bouddha vivant, du Dharma vivant, de la Sangha vivante. Et c'est un parallèle extrêmement proche avec, avec Jésus. Il est ressuscité, mais ils étaient complètement désappointés, les disciples. À part quelques-uns, rares, qui ont perçu d'entrée ce qui s'était joué dans cette résurrection, il a fallu la venue de l'Esprit pour que chacun d'entre eux réalise qu'en fait, la résurrection, ce n'est pas pour demain, mais que chacun d'entre nous porte en nous ce potentiel de résurrection et que c'est dans le quotidien, à chaque moment de notre vie, que nous avons cette opportunité de mourir et de renaître, de ressusciter. De ressusciter, de redevenir, retourner à la source pour découvrir notre véritable nature. Et j'en ai parlé hier avec des gens qui sont chrétiens, et je suis étonné de relire l'Évangile, et quand Jésus dit à Nicodème, il faut que tu renaisses, et Nicodème dit, mais je ne peux pas renaître, je suis déjà sorti du ventre de ma mère, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère pour ressortir. Il dit, mais non. Il faut que tu renaisses en esprit. Si tu ne redeviens pas comme un petit enfant, tu ne pourras jamais découvrir le royaume. Or, redevenir comme un petit enfant, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas revenir dans la dépendance du petit enfant, c'est retrouver ce regard originel qui se laisse étonner, qui se laisse surprendre, qui se laisse émerveiller, cette joie de l'enfant, cette spontanéité, qui fait qu'il voit toutes les choses avec le premier regard, ce regard neuf qui n'est pas encore trop pollué par nos perceptions erronées. Et c'est ce regard-là qui nous fait prendre conscience que de ma véritable nature, pour un bouddhiste, de notre nature d'éveil, de notre nature originelle, de la claire lumière qui est en nous depuis toujours. Et pour un chrétien, c'est l'Esprit Saint qui nous ouvre à ce nouveau regard. Et ce regard, c'est un regard de compréhension, puisque on dit non seulement ils se comprenaient les uns les autres, mais ils parlaient dans des langues qui n'étaient pas les leurs. Et tout l'enseignement du Christ leur est revenu, et ils ont compris ce qu'ils n'avaient pas compris du temps de où ils marchaient pas à pas avec le Christ. Donc la voie que nous propose le Bouddha, c'est la voie de l'ouverture de ce nouveau regard, l'ouverture de la vision profonde, de la vue juste. Et cette, toute notre démarche est une démarche de décontamination, de dépollution, de désintoxication, de nos fausses croyances, de nos perceptions erronées. Et c'est la pratique de la pleine conscience qui va nous aider à nous ouvrir progressivement à ce nouveau regard, qui va nous aider à découvrir qu'en fait, nous n'avons jamais été séparés, comme je le disais, que depuis tout temps, il y a en nous cette dimension d'harmonie, cette dimension de reliance plus vaste que nous, fait que nous allons nous sentir portés. L'éveil, nous y entrons progressivement, à part quelques rares expériences dans l'histoire du bouddhisme où quelques disciples ou quelques personnes ont eu un éveil spontané. Dans la plupart des cas, c'est un éveil progressif qui se fait souvent par paliers. Cet éveil, il a lieu dans le monde tel qu'il est, dans le monde historique. Nous n'avons pas à quitter ce monde pour nous ouvrir à la véritable essence de ce monde. Et tout l'enseignement du Bouddha, c'est de dire la terre pure, elle est ici et maintenant dans ce monde-là. Nirvana, l'extinction des concepts, l'extinction des afflictions, Nirvana, il est dans le samsara, il est dans ce monde de souffrance. Et Thaï dit, le royaume est ici et maintenant dans la terre qui est la nôtre, dans notre vie qui est la nôtre. Simplement qu'il faut revenir, déjà arrêter de courir, donc c'est tout le premier stade, c'est s'arrêter. Arrêter de courir, revenir à l'instant présent, réunifier corps et esprit par le biais de la respiration, on en a parlé hier, vous êtes au courant, nous l'avons tous entendu, hein, et c'est l'enseignement du sentier octuple, dont les trois premiers stades, j'aime bien les commencer par la pleine conscience qui va développer la concentration, qui va développer la vision profonde, et tout le reste suit après. Donc, toute notre pratique, c'est de revenir à l'instant présent parce que la vraie vie n'existe que dans l'instant présent. Je ne suis pas vivant dans le passé, pas vivant dans le futur. Ma vie n'est faite que d'instant présent. La vie n'est pas continue, nous dit taille, elle est cinématographique. C'est une succession d'instants présents qui fait que si je peux vivre seconde après seconde, pleinement, corps et esprit réunis, dans l'acceptation, dans la conscience de ce qui est en moi et dans l'acceptation de ce qui se passe en moi, dans la conscience de ce qui se passe à l'extérieur et dans l'acceptation de ce qui se passe à l'extérieur, alors oui, mon regard va se purifier et je vais progressivement comprendre les origines de mes souffrances dès que mes souffrances vont se manifester, dès que mes vieux scénarios, mes vieilles névroses, mes énergies d'habitude, dès qu'elles vont se manifester, je vais pouvoir à la fois les reconnaître dans l'instant où elles jaillissent dans ma conscience mentale et non pas les laisser s'amplifier comme elles le font souvent. Nous avons tous expérimenté que dès que la colère jaillit de l'inconscient, si tout de suite nous l'embrassons, nous respirons avec cette colère et que nous faisons un avec cette colère, comme en l'embrassant comme une mère embrasse son enfant, la graine de colère va perdre un petit peu de son intensité et elle va redescendre dans l'inconscient. Le processus de transformation est déjà amorcé. Alors que si je laisse, je ne suis pas dans la pleine conscience et que je laisse la colère occuper tout mon espace mental, ça va être très difficile. De la calmer. Donc, toute notre pratique, ça va être à la fois d'accueillir et de transformer le désagréable, que ce soit la colère, la peur, la jalousie, l'anxiété, les frustrations, l'angoisse, la dépression, etc. Pour pouvoir accueillir, accepter, reconnaître, trouver les racines et voir ce qui a nourri. C'est important aussi parce que un des enseignements du Bouddha, c'est que tout ce qui existe n'existe que parce qu'il est nourri et alimenté. Rien ne peut exister sans être alimenté. La haine n'existe que parce qu'elle est entretenue. Si je nourris plus ma haine, la haine va se dessécher. Mais c'est la même chose pour l'amour. L'amour, la fraternité, elle existe. Dans un couple, nous sommes bien placés. Beaucoup d'entre nous dans l'amitié pour savoir que si je n'entretiens pas la relation d'amour régulièrement, l'amour va s'étioler. Il a besoin d'être nourri. Comme des plantes ont besoin d'être nourries, comme mon corps a besoin d'être nourri. Donc notre pratique, ça sera de nourrir ce qui est bon à développer, c'est-à-dire toutes nos potentialités positives, et de cesser de nourrir tout ce qui entretient et développe nos potentialités négative. Donc accueillir ce qui est avec bienveillance, sans jugement, sans s'attacher à l'agréable, accepter que l'agréable prenne fin, sans combattre le désagréable, être là avec ce qui est, reconnaître, accueillir ce qui est, sans attachement, sans résistance, sans combat. Ensuite, cesser de nourrir ce qui me fait souffrir et arroser ce qui développe mes potentialités. Et quand on sonne la cloche, je le disais hier, mais je le répète parce que c'est important, chaque fois qu'on sonne la cloche, chaque fois que je reviens à l'instant présent, c'est une opportunité non seulement de s'arrêter, mais de reprendre conscience que je suis vivant. De me réincarner, de faire descendre la conscience mentale qui est là, de faire descendre ici et avec les pieds à la terre. Et ce matin, hier matin, nous avons fait en Qigong est vraiment l'illustration de ça. Et vous savez très bien pourquoi on dit que quand on a des émotions, il faut revenir à sa respiration. Parce que quand on a des émotions, toute l'énergie est concentrée dans le cerveau et les pensées enchaînent tout de suite. Dès qu'il y a une émotion, les pensées s'y mettent et ça commence à tourner d'une manière répétitive que nous connaissons bien, les ruminations, l'amplification, les supputations, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est facile. Je disais tout à l'heure que dès qu'on a conscience de la première manifestation, qui est encore une toute petite parcelle, tout de suite, en revenant à la respiration, qu'est-ce qui se passe? Je réinvestis mon corps. Je le réinvestis au niveau du deuxième cerveau, au niveau du hara, du tantien, du centre énergétique. Et là, ce lieu a cette qualité qui nous permet de nous réincarner, d'être vivant dans les sensations. Quand on dit vivant, c'est sentir son corps vibrant, c'est sentir son corps pétillant, sentir son corps brillant, étincelant. C'est pour ça qu'on parle du corps de lumière souvent dans les enseignements, parce que c'est un corps qui pétille de vie. Et c'est cette énergie qui nous circule des pieds à la tête et qui fait qu'on se sent, même quand on n'est pas gros, on se sent rentré dans sa véritable forme. Et c'est là qu'on prend conscience que la plupart du temps, on n'est pas dans sa forme. Je ne suis pas en forme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non seulement dans ma forme physique, mais non pas dans le corps que j'ai, que Durkheim disait, la pratique nous permet de rentrer non pas dans le corps que j'ai, mais dans le corps que je suis. Je suis dans cette incarnation. Nous sommes tous appelés à rentrer dans notre véritable forme, à rentrer dans notre potentiel de vie, parce que nous vivons étriqués, nous vivons coupés de nous-mêmes. Voilà pourquoi la pleine conscience et la méditation, non seulement assise, mais dans le quotidien, est importante, parce que c'est elle qui nous rend vivants. Et Thaï redit en permanence ces trois choses sur le vivant. La vie n'est disponible que dans l'instant présent. N'aura-t-on pas notre rendez-vous avec la vie? Et toutes les conditions du bonheur sont toujours réunies. Toutes les conditions de la vie, de sentir vivant, sont toujours réunies, quelles que soient les conditions extérieures. Souvenons-nous que là, nous ne souffrons pas à cause des conditions extérieures. Nous souffrons de l'interprétation que nous posons sur les conditions extérieures. C'est important de se souvenir. Nous ne souffrons pas des conditions extérieures désagréables, dérangeantes. Nous souffrons de l'interprétation ou du regard étroit que nous posons sur les conditions extérieures. Pour développer ça un peu, c'est l'idée de la deuxième flèche. Thaï nous dit, mais c'est pas Thaï, le Bouddha, mais Thaï le répète souvent, la douleur, il fait une différence entre la douleur et la souffrance. Alors, je ne suis pas lettré en sanskrit. Dukkha, la souffrance, c'est le mal-être. Mais certains le disent, traduisent par douleur, d'autres souffrance. Là, il dit la douleur est inévitable. La douleur, c'est ce qui appartient à notre nature humaine et qui est inévitable. Le vieillissement, la maladie, la mort de nos proches, des accidents, des deuils, etc. Apparemment, j'y peux rien, ça m'arrive. Mais qu'est-ce que je fais de ce qui arrive ? Si je peux accueillir ce qui arrive avec bienveillance, cette douleur va rester de la douleur. Par contre, si je refuse ce qui arrive et que mon mental s'en empare et que je commence à broder en disant « Oh, c'est dégueulasse, c'est injuste, oh, si j'avais su, j'aurais dû, etc. » Là, tout de suite, cette douleur va s'amplifier. Et le Bouddha dit « La douleur n'est pas... » Cette douleur va devenir souffrance. Et cette douleur va être non pas multipliée par 2, mais multipliée par 10. C'est-à-dire que la vie me lance la première flèche, c'est la douleur inévitable, la première flèche. Mais la deuxième flèche, c'est moi qui me la lance par la réaction que je porte sur cette première flèche. Et c'est moi qui m'envoie la deuxième flèche. Donc notre pratique, ça va être de faire en sorte que je sois touché que par la première flèche et que je ne m'envoie pas la deuxième flèche. La deuxième flèche, c'est l'auto-jugement, c'est le refus, c'est la culpabilité, c'est l'auto-dénigration, l'auto-échec, enfin, c'est toutes ces choses-là. C'est nous qui nous créons, qui faisons que cette douleur devient souffrance. Mais c'est pas, nous ne sommes pas obligés. Et la pratique, ça va être justement de nous amener à accepter l'inacceptable, à rentrer dans l'acceptation de l'inacceptable. Inacceptable pour nous, pour beaucoup, qui est effectivement le refus de ce qui vient me déranger, de ce qui perturbe ma sécurité, mes choses connues. Nous avons tous constaté comme le monde change de plus en plus rapidement. Du temps de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, on vivait très souvent, enfin moi je suis issu d'un milieu rural, paysan, et j'ai parlé avec un grand-oncle qui est né en 1870, il est décédé depuis bien sûr, il me disait que dans son village de Saône-et-Loire, en Bourgogne, il a vu l'électricité que quand il avait 30 ou 35 ans, il vivait dans un village où jusqu'à 30 ans, il s'éclairait à la lampe à pétrole, ils allaient chercher de l'eau au puits. Bon, il y avait les trains étaient là depuis quelque temps, mais pour avoir les trains, c'était à Mâcon, une ville qui était à 30-40 km. Donc, à cette époque-là, pratiquement toute une vie, une génération, se vivait avec les mêmes croyances. On était chrétien de père en fils, sans problème, dans les mêmes valeurs familiales, le même métier, les mêmes structures sociales. Il y avait une forme de stabilité, ce qui n'empêchait pas qu'il y avait du changement. Et au fil des générations, et quand on voit maintenant la rapidité à laquelle les choses changent, le changement politique, le changement économique, le changement religieux, le changement au niveau syndical, enfin, quoi qu'on regarde, le changement de la planète, l'urbanisation, la pollution, la naissance des moyens, des nouveaux moyens de communication, de l'informatique, etc. Nous avons de moins en moins de temps pour vivre avec des choses connues, pour vivre avec des environnements sécurisants. Nous sommes de plus en plus amenés à lâcher prise de ce que nous connaissions pour nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il ne faut pas s'étonner que nous soyons de plus en plus stressés, parce qu'il y a plus de moins en moins de certitudes. Et encore avant, il y avait la religion qui cimentait tout ça, mais maintenant, avec la diminution peut-être de l'importance des religions traditionnelles, la relativisation de toute chose, hein, tout se vaut, véhiculé par les médias, on vit non seulement dans un changement perpétuel, mais dans une foire aux illusions, une foire aux vanités, où les valeurs sont souvent inversées. Et donc, il y a de plus en plus de stress, de plus en plus de tensions, de mal-être, de maladies psychosomatiques, de maladies psychiques. La France détient le record d'Europe de consommation de tranquillisants et de neuroleptiques. La Belgique en est peut-être pas loin, d'ailleurs, je ne sais pas. quand tout change, eh ben, il faut tout changer. C'est un bouquin que je viens de lire et qui est intéressant, de Donald Walsh, « Quand tout change, changez tout », qui rejoint très proche l'enseignement du Bouddha. Ça veut dire que nous devons être dans l'acceptation, dans l'ouverture et l'acceptation de la vie telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter passivement ce qui est, mais pour pouvoir changer quelque chose, ou pour pouvoir résister, ou pour pouvoir dénoncer des injustices, ou s'engager pour un monde meilleur, nous ne pouvons pas le faire tant que nous n'aurons pas accepté les choses telles qu'elles sont dans l'instant. C'est important de bien comprendre ce dont il s'agit. Ce n'est pas une acceptation passive, de soumission, de fatalité. C'est dès que je suis perturbé ou dérangé par quelque chose, que ce soit la crise économique qui me fait que j'ai moins d'argent parce que mes pensions ont diminué, parce que un de mes proches est malade gravement, ou je viens de perdre quelqu'un, ou que je vois autour de moi des injustices et ça me révolte. La première chose, c'est de reconnaître l'émotion qui est là dans ce qui me perturbe et d'accepter. Oui, il y a en moi de l'émotion. J'accepte que je suis dérangé. Je donne l'autorisation à cette émotion d'être là et je ne cherche pas à la supprimer. Comme on a souvent tendance à le croire dans l'enseignement bouddhiste, je calme vite votre émotion. J'inspire, j'expire, je calme ma colère, vite pourvu qu'elle se calme. Non. Être un avec la colère, ne pas chercher à la calmer. Elle va se calmer d'elle-même, mais que si je peux l'accepter dans l'instant. Si je peux accepter mon anxiété dans l'instant, lui donner sa place, elle va d'elle-même se calmer, disparaître et m'ouvrir à la compréhension de ce qui se passe. Et chaque fois qu'il y a de la compréhension qui naît, il y a aussi de la compassion pour moi-même et pour les autres qui va naître en même temps. Et c'est seulement dans cette fraction de temps et de secondes où j'ai accepté ce qui est, qui va se produire le retournement. Et ça, c'est important à savoir. Le nouveau regard de compréhension ne peut avoir lieu que dans l'acceptation totale de l'instant où l'émotion était là. Ça, c'est important. Comprenez bien ça. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant, ça me semble évident. Et la vision profonde, la compréhension de ce qui se passe ne peut avoir lieu que sur la base de l'acceptation totale et inconditionnelle de ce qui se passe dans l'instant. Et là, le regard s'ouvre. Et je vais pouvoir faire en sorte que cette situation qui me dérange, certaines situations peuvent être changées. Si c'est la mort de quelqu'un, je ne peux rien faire, je ne peux qu'accepter. Par contre, si c'est un harcèlement au travail, j'ai vécu ça. Pendant longtemps, je l'ai vécu dans le refus de ce qui arrivait. Il y a deux situations face à quelque chose qui nous dérange, plusieurs possibilités face à quelque chose qui nous dérange. Soit je lutte contre, et c'est le rapport de force. Tu m'as sorti une vacherie, je t'en sors une. Tu m'as fait un tour de vache, je t'en fais un. Soit c'est la peur et la fuite. Je me tais et je garde cette colère. Je dis, oh, c'est pas grave. Et puis la colère, elle s'accumule et elle va me rendre malade un de ces jours. Ou alors, je pars. Je quitte la situation pour dire c'est... Mais dans tous les cas de figure, quand je ne suis pas dans la vision profonde, je vais être dans la réaction et non pas dans l'action. Différencions bien quelle est l'action juste. dont nous parle le bouddhisme, ce n'est pas la réaction. C'est l'action juste, c'est une réponse appropriée à la situation, réponse et action qui me met en place d'être non pas la victime, mais l'acteur. Le regard profond, la compréhension de ce qui se passe, fait que je vais quitter la situation de victime dans laquelle mon scénario névrotique qui se répète en permanence sans arrêt me fait revivre les mêmes situations. La vision profonde, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est quelque chose qui va naître comme une évidence. C'est un, en anglais, ils disent « insight ». C'est une intuition profonde qui me fait dire « mais ouais, mais c'est ça !» La question que je me pose, mais c'est évident. Et là, je vois non pas ma situation dans laquelle j'étais enfermé, qui me faisait voir les choses à ras les pâquerettes. Hein. Arnaud Desjardins, dont j'ai suivi l'enseignement pendant quelque temps, disait qu'il était cinéaste. Il disait, quand nous sommes dans la vision de victime et étriquée, dualiste de l'ego, nous sommes en zoom avant. Nous voyons cette partie de la situation, moi, la personne, et là, toc. Et en fait, je vois souvent que la personne qui m'a, ou la situation qui m'a dérangé, là, c'est lui qui est un salaud, c'est cette situation qui est dégueulasse, et je suis comme ça, cantonné là-dessus, et je vois les pâquerettes, et là, je suis dans la réaction. Colère contre colère, ou fuite, etc. Par contre, si je fais zoom arrière, et c'est le regard profond, zoom arrière, le champ s'élargit, et là, je suis dans l'interdépendance. Il y a la situation ou la personne qui m'a dérangé, il y a moi, mais il y a papa, il y a maman, il y a les parents de celui qui m'a dérangé, il y a l'environnement, il y a la société, il y a les médias, il y a le Bouddha. Et là, la vision me montre les choses dans une clarté qui fait que je vais pouvoir, en toute quiétude, répondre à cette situation et faire en sorte que cette situation qui était injuste ou qui me faisait violence, qui me manquait de respect, que cette situation puisse changer. Et là, je deviens acteur. Et je deviens acteur dans une réponse juste et adaptée. Et non pas dans une réponse émotionnelle de l'ego étriqué qui veut défendre son petit territoire. Saisissez la différence. Hélas, tout se joue là. Et quand on peut poser des actes comme ça, et ça se fait petit à petit, je peux vous garantir, et certains d'entre vous l'ont expérimenté, on se sent le résultat de l'action juste. C'est souvent on se dit, mais comment vous différenciez l'action juste d'une action qui n'est pas juste, qui est faite dans l'ego? Là, un des critères de l'action juste, c'est qu'elle a un goût de paix. Elle crée en moi et autour de moi, en tout cas en moi, dans un premier temps, de la paix, de l'évidence, un calme, une sérénité et une joie. S'il y a ces critères-là, je peux dire que l'action est juste. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas nécessairement vrai qu'elle va faire de la joie autour, parce que très souvent, ma réaction de demander d'être respecté ou de demander qu'on respecte telle ou telle personne, ça va créer des animosités et je vais être combattu. Et tous les grands sages sont bien placés pour le savoir, que ce soit Martin Luther King, Gandhi ou même Thaï, ont été attaqués, ont été calomniés et certains d'entre eux ont été assassinés. Mais néanmoins, tous témoignent que l'acte qu'ils ont posé les a réunifiés. Et ils ont réagi non plus du lieu de l'ego qui veut défendre son petit territoire, mais d'une perception d'eux-mêmes en interdépendance, avec plus vaste qu'eux-mêmes, sur la base de « je suis porté par un vaste courant d'amour ». Et moi, je peux témoigner que, pour moi, le lâcher-prise dont il s'agit, très souvent, la question a été posée, qu'est-ce que c'est lâcher-prise ? Pour lâcher-prise, On a peur parce qu'on se dit, dans quoi je vais lâcher ? L'inconnu, le néant, une partie de moi que je ne connais pas, terriblement angoissant. Et nous ne pouvons lâcher que dans, si nous avons expérimenté la confiance. Nous pouvons lâcher que dans la foi ou la confiance. Alors, les chrétiens, moi, dans ce que j'ai reçu d'enseignement, la base de la croyance était le credo, je crois. Et après, j'expérimente. Je crois au Saint-Esprit, je crois à l'Église sainte apostolique, à Dieu qui a créé la terre et le ciel, Jésus qui est ressuscité, assis à la droite du Père, etc. Je crois. Et à partir de là, je vais expérimenter. Dans le bouddhisme, on commence à expérimenter. Nous sommes appelés à expérimenter. Le Bouddha nous dit, essayez ce que je vous enseigne. Expérimentez-le. Si ça vous va, ok, vous l'acceptez comme une croyance. Mais expérimentez-le d'abord. Alors vous allez me dire, mais comment je peux expérimenter ma véritable nature de non-mort et de non-naissance pour faire confiance puisque je ne l'ai pas expérimenté? Comment je peux avoir la foi? Alors pour moi, la réponse, enfin ce n'est pas pour moi, pour le bouddhisme, c'est la foi dans le maître. La foi dans les êtres éveillés qui témoignent dans leur vie, dans leur manière d'être, de cette vérité ultime, de cette nature essentielle, cette nature de Bouddha, cette nature divine, qui témoigne dans leur vie d'une cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ces êtres qui témoignent par leur manière d'être de la paix, de la joie, de la compassion et de l'amour. C'est sur cette base-là, c'est sur cette base des maîtres que j'ai pu rencontrer, que ce soit Swami Chidananda pendant mon séjour en Inde, que ce soit Arnaud Desjardins et le dernier en date, que ce soit Thaï, que cet être-là, ces êtres-là ont ouvert en moi une porte, ont ouvert en moi une dimension que j'ignorais, qui a pris, qui m'a fait goûter véritablement un goût, l'expérience a un goût de vastitude que nous ne pouvons pas imaginer. C'est inimaginable, indescriptible. C'est comme, Thaï parle des fois de quelqu'un, un Esquimau qui n'a jamais mangé une orange, à qui on dit qu'est-ce que c'est le goût de l'orange. On ne peut pas expliquer le goût de l'orange. Il faut la goûter. Et le goût de la non-dualité, le goût de notre véritable nature, nous pouvons l'expérimenter. Et nous allons nous mettre en marche sur la base de la foi dans le maître, ou dans les êtres, non pas nécessairement éveillés, mais dans les êtres en éveil, en cours d'éveil. Et c'est sur cette base-là que nous allons revenir à l'instant présent, cultiver le vivant en nous, et pouvoir expérimenter nous-mêmes, petit à petit, par petites touches, notre véritable nature, prendre conscience que nous ne sommes pas ce que nous croyions être auparavant. Et pour revenir à mort et à naissance, le Bouddha a offert un enseignement qui est extraordinaire, qui est l'enseignement donné aux malades, ou l'enseignement, le sutra d'Anathapindika, qui est donné à que des disciples du Bouddha donnent un enseignement qui donne à Anathapindika, qui est un laïc qui va mourir, et il l'aide à rentrer tout doucement dans la mort d'une manière sereine et à lui faire découvrir qu'il la non-peur. La peur, elle devient du fait que nous nous croyons séparés. Or, si nous pouvons expérimenter que en revenant à nous-mêmes, en réunifiant le corps et l'esprit, que nous sommes habités par une dimension beaucoup plus vaste que nous, alors la peur va disparaître. Et nous allons, parce que nous allons nous sentir reliés, portés par un vaste courant d'amour, portés par une énergie d'amour qui nous guide, qui nous porte, et qui fait que petit à petit, nous allons entrer un peu plus dans le courant. Dans le bouddhisme, on dit entrer dans le courant. C'est-à-dire nous laisser porter par la vie. La vie sait ce qui est bon pour nous. Et là, notre regard va s'ouvrir et nous allons découvrir que tout ce qui nous arrive, agréable ou désagréable, a toujours une raison d'être. les situations les plus difficiles à vivre sont porteuses d'enseignements dans ce regard-là. Bien sûr, il faut les vivre, ce n'est pas toujours agréable. Ça peut même être difficile. Mais après coup, nous savons toujours que, pour ceux d'entre nous qui ont expérimenté des morts et renaissances dans le quotidien, parce que mort et renaissance, ou résurrection, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et tous, nous sommes appelés à lâcher prise de nos certitudes et de nos vieilles connaissances. Cycliquement, nous allons être confrontés à des périodes où il faudra lâcher le connu, lâcher les vérités auxquelles nous croyions jusqu'à présent. Ces vérités nous ont aidés à vivre pendant tout un temps. De même que nos névroses nous ont aidés à vivre pendant tout un temps. Ne critiquons pas nos névroses ou nos énergies d'habitude, parce qu'elles nous ont permis de survivre. Peut-être nous sommes tous des survivants. Si nous n'avions pas mis en place des systèmes de défense névrotiques, nous serions peut-être morts maintenant. N'oublions jamais ça. Donc toutes les expériences, y compris les plus difficiles, nous ont permis de grandir. Et plus nous allons nous ouvrir à ce regard-là, ce regard vaste, plus nous allons voir que tout ce qui nous arrive est porteur d'enseignement. Nous allons être attentifs aux signes. La vie nous donne des signes en permanence. La vie nous met sur le pas de trouver notre véritable place, notre juste place. Notre juste place, à un moment donné, ma juste place, c'est ici. Juste place, c'est-à-dire m'ouvrir à ma véritable nature, m'ouvrir à mon potentiel, au meilleur de moi-même, pour pouvoir le partager aux autres, pour soulager la souffrance des autres. C'est le chemin du Bodhisattva, c'est ça notre véritable mission à tous. Et tous, nous avons cette mission-là. Rentrer dans notre véritable forme, rentrer dans notre être véritable, nous ouvrir à tout notre potentiel de vie pour pouvoir le rayonner autour de nous et tenir notre place dans l'immense orchestre de l'humanité. Nous sommes tous des musiciens, nous devons apprendre à jouer le mieux possible de notre instrument. Donc, rentrer dans notre force, jouons de notre instrument le mieux possible pour être en interdépendance avec tous les êtres. Et Tai dit, nous allons faire une symphonie de tous les musiciens de l'humanité. De même, il parle aussi de l'exemple, nous sommes tous des fleurs dans le jardin de l'humanité, chacune avec notre couleur, notre odeur, notre caractéristique. Chacune d'entre nous est unique, mais n'existe, n'a aucun intérêt à elle toute seule. Elle prend son sens que dans la totalité. Et la vie nous donne des signes en permanence. Si nous sommes attentifs, dans la pleine conscience, ouverts à ce courant de vie et d'amour qui nous porte tous vers le meilleur, pour nous ouvrir à ce potentiel, nous allons avoir en permanence des signes. Et il n'y a plus d'échec. Le problème du choix ne se pose pas en termes de « est-ce que je prends ça ou ça ?» Les choses vont nous être présentées. La seule chose que nous avons à dire, c'est « ok, j'adhère ou pas ?» Oui ou non. Mais je ne vais pas me casser la tête pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour moi. Si je suis dans cet accueil et cette ouverture du regard, tout m'est donné à chaque instant. Les oiseaux du ciel ni ne sèment ni ne moissonnent, et leur Père qui est dans les cieux leur donne la nourriture dont ils ont besoin. Il y a des enseignements magnifiques. Et pour terminer, là, je voudrais vous rappeler cette métaphore que dit Tai par rapport à la non-naissance et la non-mort, que j'aime beaucoup. Il dit, là, à l'automne, je regardais une feuille sur un arbre, la feuille commençait à jaunir, donc elle était rentrée dans l'âge, le vieil âge, et puis le vent se lève un peu, et voilà que la feuille se détache. Et il parle à la feuille, petite feuille, peux-tu me dire comment tu te sens maintenant? Et la feuille dit, ben voilà, je quitte l'arbre. Mais je ne suis pas triste, parce que pendant toute ma vie de feuille, j'ai été nourri par l'arbre. J'ai reçu le meilleur de l'arbre et je me suis ouvert à mon potentiel de feuille. Mais moi aussi, j'ai nourri l'arbre par la fonction chlorophyllienne. J'ai contribué à vivifier la sève de l'arbre. J'ai reçu de l'arbre, j'ai donné à l'arbre. Je me suis ouvert au meilleur de moi, j'ai permis à l'arbre de s'ouvrir au meilleur de lui-même. Et ma vie n'est pas terminée. Je pars me manifester sous une nouvelle forme. Je redescends à la terre où je vais pourrir au pied de l'arbre, je vais devenir du compost et je vais nourrir les racines de l'arbre. Et je suis déjà présent. Je suis... Non seulement j'ai laissé ma trace en tant que feuille dans l'arbre, mais je me manifeste à nouveau dans l'arbre par les sels minéraux qu'il va absorber de ma décomposition, etc. Thaï nous dit encore, vous avez entendu, la chute des fleurs de prunier ne signifie pas la mort du prunier. Je pars me manifester sous une nouvelle forme. Comme le nuage qui s'aperçoit qu'une partie de lui est déjà en pluie et qui commence à pleurer. J'ai perdu une partie de moi. Et la pluie qui dit, mais non, je suis toujours le nuage, mais sous une autre forme. Et puis, en buvant notre thé, nous apercevons que l'eau que nous buvons vient de la source, et la source a été alimentée par le nuage. Donc, nous nous manifestons sous une nouvelle forme. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes tous appelés à expérimenter, cette vaste présence lumineuse et aimante qui est en nous et qui nous fait goûter qu'il n'y a ni naissance ni mort. C'est quelque chose à goûter pour sortir du concept, parce que si on appréhende ça avec le mental, c'est impossible. C'est un koan. Il peut s'expérimenter que dans le lâcher prise, c'est-à-dire l'acceptation inconditionnelle de ce qui est. Le deuil de... Et faire le deuil aussi, une dernière chose, faire le deuil de tout ce qui a eu lieu, qui m'a fait souffrir, accepter que ma vie a été ce qu'elle a été, accepter que je sois né dans cette famille avec ses parents qui m'ont transmis des belles choses, mais qui m'ont transmis des souffrances, accepter d'avoir vécu ces épreuves jusqu'à présent, ces échecs, ces réussites, mais ces souffrances. Parce que c'est parce qu'il y a eu tout ça que je suis ici aujourd'hui. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu ce père et cette mère. Hein? Certains êtres éveillés disent, nous avons nous-mêmes choisi de naître dans cette famille, à cet endroit-là, parce que nous avions quelque chose à expérimenter. Notre âme avait quelque chose à expérimenter pour comprendre et pour grandir vers plus de conscience. Donc, le deuil, c'est ça, mais c'est aussi accepter que ce que je n'ai pas eu ou ce que j'aurais voulu avoir n'ait pas eu lieu. C'est comme ça. Hein? Non pas. Le deuil, il est à deux niveaux toujours. Hein? Ce que j'ai vécu de difficile, ok, c'était, ça a été. Ce que j'aurais aimé avoir, que je n'ai pas vécu, c'est ok. Mais à partir de maintenant, je peux rentrer dans le renouveau. Tout est possible à partir de maintenant. La pensée que je pose maintenant est créatrice. Les pensées, paroles et amours que je vais poser peuvent me métamorphoser complètement. Je peux réparer mon passé par des pensées positives. Et Angulimala, le disciple du Bouddha qui était un assassin, qui était un criminel qui a tué X personnes, le Bouddha l'a accepté dans sa sangha comme moine. Après, je vous passe le développement de l'histoire. Et il a demandé au Bouddha, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer toutes les souffrances que j'ai causées autour de moi? Eh bien, tu as tué beaucoup de gens, ben maintenant tu vas prendre soin des gens et tu vas aller soulager, aider à soulager la souffrance des gens. Moyennant quoi, il a pu créer un nouvel état d'être, il a pu se renouveler complètement et ses pensées positives, ses paroles positives, ses actions positives l'ont régénéré et en ont fait un homme neuf et un homme nouveau. Donc nous ne sommes jamais enfermés définitivement dans notre passé. Tout moment, nous pouvons devenir créateurs d'un futur qui va créer de l'amour en nous et autour de nous. Et pour terminer, je vais vous chanter une petite chanson que j'ai écrite sur Non naissance ni mort. Alors, je l'ai écrite en reprenant un certain nombre de textes que vous connaissez, qui sont de taille, mais je l'ai mis en musique, et puis j'ai rajouté quelque chose à moi. Alors, je ne suis pas très bon musicien, mais je vais essayer. En plus, ce n'est pas ma guitare. Alors, cette chanson, en fait, c'est un texte que j'ai écrit pour mes enfants. J'ai deux filles qui ont 40 ans et 38 ans, et mes petits-enfants. Et nous avons perdu mon père il y a quelque temps, et ça m'a été l'occasion d'écrire un texte, et que je me suis dit, ça serait bien que tu transmettes ce texte à tes enfants. Donc, de leur vivant, je leur ai transmis mon testament pour leur dire, c'est pas dramatique de partir. Alors, je suis pas très bon guitariste, hein, je fais ce que je peux. Mon enfant, faut que je mette mes lunettes, ça va venir. Patience, je suis un peu ému. Mon enfant, mon ami, je suis la vie. Jamais né et ne mourrai jamais. Regarde l'océan et le ciel rempli d'étoiles. Toutes ces manifestations de mon esprit véritable. Depuis toujours je suis libre, ni naissance ni mort, naissance et mort ne sont que des portes. Portes par lesquelles nous passons tous un jour. Naissance et mort, des seuils sacrés sur notre chemin. La naissance et la mort sont un jeu de cache-cache. Alors souris-moi, chante avec moi. Tiens-moi la main, veux-tu, et dis-moi au revoir. Je pars pour me manifester sous une nouvelle forme. Mon enfant, nous allons bientôt nous retrouver. Nous nous rencontrons aujourd'hui même. Nous nous rencontrerons demain. Dans la présence, dans la vaste source vivante en toi, à chaque instant. Nous nous rencontrerons dans toutes les formes de vie. Tu me reconnaîtras parmi les fleurs, dans le chant du merle, joyeux au lever du jour. Dans les nuages, le rire des enfants, dans la tendresse des mères. En respirant calmement, tu me souriras, en découvrant que depuis toujours, et pour toujours, je suis en toi et toi en moi. Alors tu pourras lâcher ma main et me laisser partir. Ni venu, ni parti, ni avant, ni après, je te tiens près de moi et te laisse. Pour être libre, pour t'ouvrir à la grande vie. Bonne continuation, mon enfant. Ma sœur, mon frère, gâté, gâté, para gâté, para sam gâté, bodhisva. Gâté, gâté, para gâté, para sam gâté, bodhisva. Gâté, gâté, para gâté, para sam gâté, bodhisattva. Gâté, gâté, para gâté, ensemble, tous ensemble. Nous allons aller tous ensemble sur l'autre rive pour l'éveil. À Alléluia. Bodhisattva.